Tous les soirs dans les embouteillages, de ma tête je n'y fâche, je vais faire un voyage un peu plus allongé, juste à boucher de la plage. On vit dans les hôtels, on va toujours être seul. Où es-tu maintenant? Peut-il aussi souvent qu'ici? Te devais-je où et quand? Est-ce que tu as bien dormi? J'aimerais te revoir. J'aimerais te revoir. J'aimerais te revoir. Tout à l'endommée, bâti, te veux trouver. Une fois, et j'ai eu cette idée. Où es-tu maintenant? Peut-il aussi souvent qu'ici? Te devais-je où et quand? Où es-tu maintenant? Peut-il aussi souvent qu'ici? Te devais-je où et quand? J'aimerais te revoir. J'aimerais te revoir. J'aimerais te revoir. J'aimerais te revoir.